ma très ancienne, mon premier vœu mal refermé, mon premier amour infirmé. Il a fallu que tu reviennes. Il a fallu que tu reviennes. Il a fallu que je connaisse ce que la vie a de meilleur, quand deux corps jouent de leur bonheur et sans fin s'unissent et renaissent. Et sans fin s'unissent et renaissent. Entrée en dépendance entière, je sais le tremblement de l'être, l'hésitation à disparaître, le soleil qui frappe en lisière. Et l'amour où tout est facile, où tout est donné dans l'instant, il existe au milieu du temps la possibilité d'une île. Il existe au milieu du temps la possibilité d'une île. Ma vie, ma très ancienne, mon premier vœu mal refermé, mon premier amour infirmé. Il a fallu que tu reviennes. Il a fallu que je connaisse ce que la vie est de meilleur, quand deux corps jouent de leur bonheur et sans fin s'unissent et renaissent. Entrée en dépendance entière, je sais le tremblement de l'être, l'hésitation à disparaître, le soleil qui frappe en lisière. Où tout est donné dans l'instant, il existe au milieu du temps la possibilité d'une île. Il existe au milieu du temps la possibilité d'une île.